Chapitre 10e. Le repas terminé, Henri se retira aussitôt dans sa chambre, sous prétexte de finir un article que M. Passemard lui avait demandé pour le journal républicain du département. De fait, le jeune homme voulait seulement s'isoler afin de mettre un peu d'ordre dans ses pensées, qu'il sentait en proie à un trouble indéfinissable. Depuis sa conversation avec André, il éprouvait à la fois de la confusion, du dépit, et quelque chose qui ressemblait à un vague remords. Il ne tarda pas à se plonger dans une de ces méditations intenses où le travail de la pensée contracte les traits du visage, tandis que de petits mouvements nerveux trahissaient l'agitation de l'âme. Il repassait en lui-même le détail de sa rencontre et de son entretien dans le parc avec la fille de M. Passemard. La démarche gracieuse d'André, son chapeau tyrolien légèrement incliné sur l'oreille et flanqué d'une grande aile fauve d'oiseau de proie, sa robe étroite, moulée sur les hanches et tombant droit comme une amazone, le corsage à basquine qui dessinait la cambrure flexible de la taille et par devant dissimulait la gorge sous de larges plis plats, la façon dont elle s'effaçait en arrière pour éviter les bonds du chien, tout en agitant le gant au bout de son bras levé, ses mots durs à l'adresse de Jacques, ses sarcasmes qui n'épargnaient rien ni personne, la franchise audacieuse de son langage, les raffinements d'une coquetterie qui savait se faire successivement enjouée et sentimentale, familière et hautaine, complimenteuse ou ironique, sans jamais cesser d'être maîtresse de soi. Tout était présent à l'esprit de Mareuil. Après être resté longtemps pensif, il prit dans un tiroir plusieurs lettres que Jacques lui avait écrites depuis son départ et dans lesquelles il était beaucoup moins question de l'Italie que d'André. « Comme il l'aime, » pensait-il en les parcourant. Il referma le tiroir et s'abandonna de nouveau à sa rêverie. Une idée importune le harcelait. « Ah ça! Pourquoi j'étais faire à cette coquette un compliment sur sa beauté? Qu'aurait pensé Jacques s'il m'avait entendu? Que n'a-t-elle pas pensé, peut-être, elle ?» Il se leva et arpenta la chambre à grands pas. « Parbleu, oui, Jacques a raison. C'est une tête de statue grecque. Un profil d'une pureté parfaite, mais à quoi bon lui dire? Quelle folie aussi de se mettre à chanter, fenêtre ouverte, cette romance prétentieuse et sentimentale, que le diable emporte Gounod et Sully Prudhomme. Il se prit à sourire en se rappelant le mot d'André sur sa mère. Elle est vraiment fort amusante. Jacques ne m'avait pas dit qu'elle eût de l'esprit. Et pour se réconcilier avec lui-même, peut-être aussi pour donner à son insu satisfaction au besoin nouveau qu'il éprouvait de s'occuper d'André. Et il prit le parti de consacrer la fin de l'après-midi à une longue lettre qu'il se proposait, depuis plusieurs jours, d'écrire à son ami. Jacques se plaignait de n'avoir encore reçu que de simples billets, beaucoup trop laconiques, et réclamait avec instance la correspondance détaillée que Henri lui avait promise. Les Charmilles, 26 juillet. « Tu me reproches, mon cher ami, de ne pas tenir ma promesse et de te négliger beaucoup. Je pourrais te répondre qu'étant obligé d'avoir pour M. Passemard des idées, du style et même de l'orthographe, il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais je préfère te dire tout simplement que j'ai voulu prendre l'air de la maison et étudier un peu les gens avant de te parler d'eux. Depuis un mois et demi que nous sommes ici, je n'ai pas laissé passer un seul jour sans soumettre André, comme je te l'avais promis, à une observation que j'ai tâché de rendre pénétrante sans qu'elle cessât un instant d'être discrète. J'ai poussé mes investigations dans tous les sens. Il me semble que je connais bien aujourd'hui mon sujet. La femme que tu aimes, mon cher Jacques, est ce qui se peut concevoir de moins simple et de plus artificiel. Il est probable que depuis plusieurs années, André exerce sur elle-même une incessante surveillance et qu'elle a pendant longtemps travaillé sans relâche avant d'arriver à se faire ce qu'elle est aujourd'hui. As-tu remarqué son écriture? Les lettres forment des ogives, s'allongent, se recourbent, s'entrelacent. C'est du gothique flamboyant. Or, l'autre jour, ayant ouvert un placard de ma chambre, je trouvai un cahier oublié là et qui contenait des styles, des dictées, des résumés d'histoire, des exercices d'arithmétique datant sans doute de l'époque où elle préparait ses examens. L'écriture, au lieu d'être droite et quelque peu masculine comme aujourd'hui, s'y effile à l'anglaise, menue et penchée, semblable à celle des 200 000 ou 300 000 jeunes filles ou jeunes femmes de France, qui toutes paraissent avoir pris les leçons de la même institutrice et respectent leur vie durant, le grand principe de l'alternance symétrique des pleins et des déliés. J'étais un peu surpris. Je le fus plus encore quand je vis, en tournant les feuillets, les marges couvertes çà et là d'étranges arabesques. C'étaient des lettres isolées ou des mots entiers. Il était évident qu'André, en les traçant, s'essayait déjà à la rébellion contre l'orthodoxie de l'écriture, et je reconnus sans peine l'ébauche de la manière nouvelle. À mesure que j'approchais de la fin du cahier, l'esprit d'indépendance triomphait dans la fantaisie des majuscules et la hardiesse révolutionnaire de certains paraphes. Au bas du dernier devoir, l'institutrice avait calligraphié en cursive, dont la perfection seule était un reproche, cette note mélancolique, orthographe satisfaisante, un peu de recherche dans le style, écriture déplorable et de jour en jour plus inquiétante. À côté de cette note, la main de la jeune indisciplinée avait écrit à l'encre violette un « zut » irrévérencieux qui, par son étrangeté voulue, marquait une rupture définitive avec les saines traditions. Ainsi, toute jeune encore, André était déjà tourmenté du désir de se distinguer de ses compagnes, de piquer la curiosité, ne fût-ce que par la bizarrerie de cette écriture qu'elle s'imposait. Or, tel ce cahier nous la montre à 16 ans, tel je la retrouve aujourd'hui. Il y a seulement perfectionnement et extension du procédé. Quand André marche, danse ou monte à cheval, toujours on remarque en elle cette flexibilité onduleuse de la taille qui n'est pas son moindre charme. Je le reconnais. Mais où je ne puis me défendre de soupçonner un peu d'étude. Ses toilettes n'ont rien de tapageur et pourtant, je ne sais comment, elles ne ressemblent à celles d'aucune autre femme. Ta bien-aimée ne devance point la mode, mais ne la suit pas non plus. Elle la côtoie, à distance si bien choisie, que tout en ne marchant pas contre le courant, elle évite soigneusement de paraître s'y abandonner. Je crois entrevoir dans sa mise l'intervention habilement déguisée d'un art subtil, qui établit de secrètes harmonies non pas seulement entre les proportions du corps et la coupe d'une robe ou d'un corsage, mais entre certains goûts de l'esprit, certains états de l'âme, et le caractère général d'une toilette, moins même la couleur d'une étoffe ou le choix d'une fleur. Elle pousse si loin le goût de ces mystérieuses concordances que j'en trouve la preuve jusque dans le parfum qu'elle a cru devoir adopter. C'est une essence très forte, tu le sais, dont l'arôme pénétrant flotte autour d'elle et l'enveloppe d'un nimbe invisible. Quand elle vous a donné la main, on a les doigts imprégnés d'une senteur musquée qui se retrouve dans sa mantille, jusque dans ses livres et ses cahiers de musique. Sais-tu quelle est cette odeur, capiteuse comme la beauté dont tu n'as que trop senti, mon pauvre ami, les effluves troublants? De l'extrait de géranium, qui, j'ai eu la curiosité de m'en assurer, se fabrique seulement en Orient, et n'est connu d'aucun parfumeur en France. Monsieur de Garmante avait dit un jour devant elle que cette essence est fort appréciée dans les harems de Constantinople et du Caire. Sur le désir qu'elle exprima de s'en procurer, le comte lui en a galamment envoyé plusieurs petites fioles dorées qu'il a rapportées de ses voyages. Depuis lors, elle porte toujours, suspendue par une agrafe à sa ceinture, une cassolette en filigrane d'argent, grosse comme une noix, qui contient un peu d'ouate imbibée de quelques gouttes de l'énervante liqueur. De l'eau de Cologne, fi donc. Ceci m'amène à toucher un point fort délicat et sur lequel il convient, je crois, que j'appelle ton attention, puisqu'il est entendu que je dois chercher à te donner la clé d'un caractère maintes fois qualifié par toi d'énigmatique. André a une peur affreuse du bourgeoisisme. Ignorant que rien n'est si peu bourgeois que d'être parfaitement naturel, cette jeune raffineuse repentante a commis la faute de confondre la vulgarité qui est haïssable avec la simplicité qui est divine, de sorte que, voulant atteindre l'extrême distinction, elle a, dans la vigueur de son élan, passé par-dessus le but pour tomber en pleine afféterie. De même qu'il y a de la prétention dans ses manières, il y a de la préciosité dans son langage et probablement aussi dans son style. Sur ce dernier point, je n'affirme rien. Mais tu peux en juger, toi, qu'est des lettres d'elle. L'autre jour, à propos de je ne sais plus quoi, elle a prononcé dans une conversation le mot de Ramayana. C'est déjà grave, n'est-ce pas, pour une jeune fille, de vous jeter au nez, sans que rien l'y force, le nom d'une épopée hindoue en 50 000 vers. Mais ce qu'il est beaucoup plus, c'est que, hors le titre, elle ignorait de ce poème tout, jusqu'au sujet même, et fut obligée de se dérober piteusement quand je lui jouais le tour de la pousser un peu sur cet article. « Je ne déteste pas les bas bleus, au contraire. Je veux seulement qu'ils soient bien tirés, et n'ai plus pour celles qui les portent la moindre indulgence dès qu'ils font des plis. Son intelligence, je crois pouvoir affirmer qu'elle est un reflet plutôt qu'un foyer. Quelques réminiscences se cachent toujours, à ce qu'il m'a semblé, dans ce qu'André dit avec l'évidente intention de faire preuve d'originalité. Les soupçons que j'avais à cet égard se sont changés en certitude le jour où je l'ai entendu à propos de je ne sais quelle citation que je venais de faire, me féliciter de ma mémoire et se plaindre d'en être tout à fait dépourvu. Je l'ai surveillé depuis lors, et je crois avoir découvert son procédé. De même que nous faisions au lycée, dans l'intérêt de nos discours ou de nos vers latins, des cahiers d'expression et mettions impudemment au pillage Cicéron et Virgile, elle recueille avec soin, dans ses lectures, des pensées, des images, des comparaisons, jusqu'à des mots rares, et s'enrichit des dépouilles de ses auteurs favoris. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas en général des écrivains très répandus. Elle a découvert, je ne sais où, dans les littératures étrangères aussi bien que dans la nôtre, un certain nombre de livres inconnus, les uns médiocres, les autres fort remarquables, dont elle nourrit assidûment son esprit. D'où vient cette préférence ? Peut-être du parti pris qu'elle a de se singulariser en tout, mais peut-être aussi de la facilité plus grande qu'elle trouve à exploiter des ouvrages que personne n'a lus. Quoi qu'il en soit, le miel laborieusement butiné sur tant de fleurs diverses ne laisse pas d'être agréable, et c'est vraiment une fort industrieuse abeille que tend André. J'aime, je l'avoue, sa conversation, et vois combien j'ai le sens dépravé. Il n'est pas jusqu'au petit grain de pédanterie dont elle l'assaisonne qui ne lui donne à mon goût je ne sais quelle saveur. Puis elle est si capable d'inventer. Elle comprend, et c'est beaucoup pour une femme. Comprendre, c'est presque aussi beau et presque aussi rare que de créer. De ce qu'on lui dit, rien ne se perd. Elle absorbe votre pensée, se l'assimile, avec l'avidité d'un solaride qui boit jusqu'à la dernière goutte l'eau bienfaisante dont il est privé. Enfin, la toilette de son esprit est bien faite. Elle a vu la superficie de beaucoup de choses. On peut parler avec elle d'art, de littérature, de philosophie, de religion, d'histoire, voire même un peu de science, sans trouver closes les portes de son intelligence. Je reconnais qu'elles ne sont pas toujours ouvertes à deux battants, mais il faut lui savoir gré de les tenir au moins entrebâillées. C'est une attention que si peu de femmes daignent y avoir pour nous. Ce qu'il me reste à te dire n'est pas chose facile à énoncer. Je voudrais te parler de la nature des sentiments d'André pour toi, et j'hésite à le faire, tant j'ai peur de me tromper dans un sujet si délicat. As-tu remarqué, mon cher ami, la couleur indécise de ses cheveux? Ils sont d'ordinaire d'un blond cendré, mais dès qu'un rayon de soleil se pose sur eux, des reflets fauves et rutilants passent dans leurs épaisses torsades. Ses yeux, qui paraissent d'un jaune d'or au grand jour, deviennent noirs dans la pénombre. Son corps frêle et nerveux est sous la robe celui d'une jeune fille, et semble celui d'un éphèbe dans l'étrange costume d'atelier qu'elle revêt parfois. Elle a une voix androgyne, un de ces contraltos troublants où des notes mâles et femelles sont bizarrement accouplées. Enfin, il n'est pas jusqu'au nom d'André qui ne soit hybride comme le reste, car un hasard singulier a voulu que cette créature ambiguë portât un nom hermaphrodite. Or, ce dualisme de son être extérieur, je crois le retrouver dans son être moral. Elle a pour toi, si je ne m'abuse, plus que de l'amitié et moins que de l'amour. C'est un sentiment équivoque, innommable à cause de sa complexité même, un composé de camaraderie, d'habitude, d'affection, d'indifférence et, dois-je te le dire, d'un peu de dédain. Tout cela s'agite en elle d'une manière confuse. Tantôt c'est l'un des éléments qui domine et tantôt c'est l'autre. Tu lui plais et tu l'ennuies. Elle t'appelle et te repousse, t'attend et se dérobe. Regrette peut-être ton absence et n'a pas cherché à te retenir. Elle est tout près de t'aimer quand elle te rudoie et va bientôt te désespérer alors qu'elle t'encourage. Elle prétend n'avoir pour toi que l'affection raisonnable d'une sœur, sauf à exiger en retour la tendresse passionnée d'un amant. Elle n'accepte pas ton amour et souffrirait pourtant s'il fallait qu'elle le perdît. Les femmes ne se soucient guère de la logique et peu leur importe de se mettre en contradiction avec elles-mêmes, surtout dans les affaires de cœur. Nos sentiments à nous autres hommes sont en général francs de ton, un peu crus peut-être. Elle, au contraire, aime les demi-teintes, les coloris doux, dont les dégradations insensibles dissimulent le passage de l'indifférence à l'intérêt, de l'intérêt à la sympathie et de la sympathie à l'amour. Tant que la passion ne les a pas touchés, elles se plaisent à rester dans le clair-obscur. C'est ce que fait André, elle t'aime et ne t'aime pas. Le malheur, vois-tu, mon pauvre bon Jacques, c'est que ta nature droite et simple se trouve aux prises avec une nature encore bien plus complexe que ne le sont d'ordinaire ces ondoyantes natures féminines. Tu as cru, n'est-ce pas, que pour te faire aimer, il suffisait d'aimer toi-même passionnément, d'être honnête, constant, résigné, de mettre à ses pieds l'adorable douceur d'effort. Eh non, mon ami, il fallait autre chose encore. Au lieu de chercher de l'apitoyer sur les souffrances de ton amour malheureux, que n'as-tu piqué sa curiosité, éveillé sa jalousie, flatté son ambition, rugi enfin au lieu de bêler? Quand tu as vu que la porte de son cœur était close, que n'as-tu frappé à celle de son esprit? Tu m'as dit, et je le crois, qu'André n'avait pas encore aimé. Sois assuré que c'est par l'intelligence, non par le sentiment, qu'elle sera prise, et que l'art, la littérature ou la musique joueront un rôle capital dans son premier amour. Toujours la crainte d'être bourgeoise. Or, qu'as-tu fait pour t'emparer d'elle, pour la dominer de toute la hauteur de ton savoir, de ton talent, de ton éloquence? Crois-moi, Jacques, de toutes les manières de dompter une femme, l'une des meilleures, la plus sûre peut-être, est de se montrer tellement supérieure à elle qu'elle puisse, en vous aimant, satisfaire le vague besoin d'adorer sans comprendre qui les tourmente toutes et incline cet être crédule à la génuflexion devant l'amant comme devant le prêtre. Ah, si j'avais été à ta place! Comme il me semble que j'aurais gagné la partie au lieu de la compromettre. Mais quoi? Tu n'as pas su jouer de l'instrument, et tu t'étonnes ensuite qu'il ne rentre sous tes doigts que de fausses notes. Je te gronde, au lieu de te réconforter. Cela serait presque cruel si l'intérêt que je te porte n'était tout à la fois l'explication et l'excuse de ma vivacité. Tu as voulu que je te dise tout. Je ne t'ai rien caché, ni des travers que j'aperçois d'André, ni des fautes que je crois avoir été commises par toi. La situation est d'ailleurs la même qu'à ton départ. Elle s'ennuie visiblement, beaucoup plus encore au Charmy qu'à Paris, et pense à toi plus souvent qu'elle ne voudrait en convenir. L'autre soir, elle a chanté, très joliment ma foi, et avec un singulier charme de douceur mélancolique, la romance. Ah, si vous saviez comment on pleure de vivre seul et sans foyer. Je ne crains pas de t'affirmer qu'elle a choisi ce morceau comme étant la traduction d'une pensée intime qui doit l'obséder depuis ton départ. Quand une femme n'a sous la main ni son ami, ni son confesseur, ni sa perruche, c'est à son piano qu'elle raconte ses petits secrets, et la musique devient le truchement discret des peines inavouées de son cœur. Évidemment, elle songeait à toi, en modulant ses vers exquis. J'en étais tout heureux et me réjouissais de voir que la pente de sa rêverie la conduisait doucement vers mon pauvre exilé. Mais le lendemain, elle a gâté ma joie par deux ou trois mots peu aimables pour toi. À propos, tu ne m'avais pas dit qu'elle eût de l'esprit, et du plus mordant au besoin. J'en sais quelque chose, car elle a bien voulu prendre la peine de me décocher plusieurs traits. Il est vrai que son père et sa mère ont eu part à cette distribution d'épigrammes. Maxime, plus heureux, a été épargné. Est-ce comme indigne? Je l'espère. Les chiens et les chevaux ont décidément pris possession de sa vie. Or, Platon prétend qu'on finit par devenir semblable à l'objet de sa contemplation. Dis donc à Maxime qu'il s'occupe trop de bêtes. Que te dirais-je encore avant de clore cette interminable lettre? Monsieur de Garmantes n'est pas au pavillon. Je crois qu'il voyage. Nous attendons au Charmy plusieurs visites, des amis de Maxime, je crois. Pas le moindre petit projet matrimonial sous roche jusqu'ici, à ma connaissance. Un mot de monsieur de Garamante m'avait donné des inquiétudes au sujet d'un certain Morincourt, que tu n'aimes pas beaucoup, je crois, et de qui j'ai entendu parler il y a quelques années au quartier latin. Il est venu deux ou trois fois, boulevard Malesherbes, après ton départ, mais n'a pas mis les pieds au Charmy. Celui-là ne me paraît pas très menaçant. En somme, calme plat, ennui, désœuvrement. On lit des romans, on semble dégoûté de la peinture, on fait un peu de musique, on baille sa vie en attendant l'oiseau bleu. Peut-être pourrais-tu lui écrire, mais de la prudence surtout. parle de ton voyage, de tes impressions, de ton travail, pas un mot de ton amour. Il faut lui laisser croire, comme j'ai commencé de le faire, que l'éloignement et l'absence agissent sur toi, et que tu es entré déjà dans la période de l'apaisement qui précède celle de l'oubli. Crois-moi, suis mon conseil, tu t'en trouveras bien. Cordialement et toujours à toi, Henri. J'oubliais de te dire qu'il est arrivé la semaine dernière un volume de vers avec dédicace de l'auteur, Morincourt, à André. J'ai passé une soirée à lui lire, aussi mal que possible, des morceaux de cet ouvrage. Tu devines quels commentaires ont dû accompagner cette lecture. Tu aurais été content de moi. Mareuil relut sa lettre, la mit sous enveloppe et sortit pour la porter lui-même au bureau de poste du village voisin. Sur le palier du premier étage, il rencontra André qui sortait de sa chambre. « Eh bien, monsieur, dit-elle, avez-vous bien travaillé ? On ne vous a pas vu de l'après-midi, moi qui voulais vous proposer une promenade en forêt. J'espère au moins que votre article est fini. Et où allez-vous maintenant ? Chercher de l'appétit dans le parc avant dîner ? Non, je vais jeter une lettre à la poste aux plâtreries. Inutile de prendre cette peine, donnez-moi votre lettre. Baptiste la portera dans un moment avec celle-ci que je viens d'écrire. » Henri, un peu embarrassé, aurait bien voulu trouver une échappatoire, mais comprenant que la moindre hésitation serait offensante pour la jeune fille et ridicule pour lui-même, il prit la lettre dans son portefeuille et la tendit à André. « Oh, mais c'est un volume, » dit-elle, « il y aura une surtaxe. Tiens, c'est pour l'Italie. » « Monsieur Mareuil, vous faites donc corriger vos articles par Jacques ? » fit-elle avec un sourire moqueur. « Je ne l'aurais pas cru. » « Ce n'est pas un article, mademoiselle. C'est une étude de psychologie que je lui envoie. Je le prie non de la corriger, mais de la méditer. »« Ah, de la psychologie féminine, n'est-ce pas ? C'est bien intéressant et très profond, sans doute. »« Je ne sais, il en jugera. » répondit-il avec un peu d'impatience, agacé par le persiflage indiscret de la jeune fille. Sans se laisser déconcerter, elle reprit. « Monsieur Henri, est-ce le bien ?» Que vous lui dites de moi qui rend votre lettre si lourde ? Vous ne répondez pas. Alors je vois que je suis joliment drapé. Vous avez tort. Car moi je pense beaucoup de bien de vous. Mais oui, beaucoup, je vous assure. Et elle laissa Henri tout interloqué sur le palier.